Je me souviens que ma première question existentielle vers l'âge de 12 ans, qu'est-ce que je fous ici, moi? Et je me souviens encore du vide que ça avait créé en moi. C'est le vide qui va être constructeur. Hein?